tu m'as victime. Honte sans cloner, je supprime. Tu sais pourquoi je trime. Mon rap est de marque, tu m'as pute, je te pine. Ma claque est sublime, la starache, je t'abîme. Ne conteste pas, ne me teste pas. Rose et honte, et je baisse les bras. Je reste là, entre l'instru et la rime. Pose tes vers qui t'animent sur un son qui m'affirme. Hardcore under, quel stat tu baisses pas. Et pour ça ta veste, car tu la tournes. Explicite musique pour les MC que j'en fourne. C'est le déficit total, gros c'est des tournes. Le darkness sublime, la graine sort des champs de mine et non des champs de rose. Wazer, dark, elle arrive l'apothéose. Du cœur, de la haine, de style on t'arrose. Tu pleures ta peine, le darkness. Son odeur, hardcore dans les profondeurs, mon pote.